Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2. Instruction 3e. La joie des âmes justes et fidèles à Dieu. C'est une opinion, ou, pour mieux dire, un préjugé assez commun qu'un train de vie réglé spirituel, quoique tout à fait propre à nous procurer une félicité éternelle, est loin cependant de nous faire goûter ici-bas la joie et le bonheur. Un train de vie conforme aux vrais principes du christianisme est regardé par la plupart des hommes comme un joug pesant, et presque insupportable à la fragilité humaine. Vivre toujours en garde contre soi-même, veiller sans cesse pour réprimer ses passions, une mortification continuelle, la privation, sinon de tous les plaisirs du monde, au moins d'un bien grand nombre. Tout cela est envisagé comme un esclavage qui ne laisse jamais au cœur la liberté de prendre un instant ses ébats, et de charmer les ennuis de cette vie mortelle. Il est vrai, dit-on, qu'un tel genre de vie peut conduire à des jouissances éternelles, mais en revanche il n'est pas moins vrai que c'est une croix continuelle, un perpétuel martyr durant tout le cours de la vie présente, et qui aura jamais le courage de l'embrasser, qui pourrait le supporter, qui enfin serait en état d'y persévérer. Mieux vaudra donc en abandonner le projet à d'autres, et me contenter pour mon compte de jouir des biens présents, puisque j'ai si peu sujet d'en espérer d'autres. Tel est le piège funeste où l'ennemi du salut ne réussit que trop à faire tomber une foule innombrable d'imprudents, qui se laissent aveugler par de pures apparences. Mais la réalité est tout autre, car je dis que si les quelques bonheurs ici-bas, les bons seuls en jouissent, eux seuls sont en état de goûter les doux transports d'une joie pure, et de mener une vie heureuse. La vive allégresse qu'éprouve Marie en est une preuve évidente. Mon esprit, s'écrie-t-elle, mon esprit a tressailli de joie en Dieu, mon Sauveur. C'est donc au juste et non pas au mondain qu'appartient la douce allégresse. Qu'il me soit permis de m'arrêter un instant à dissiper l'illusion commune et à faire voir, d'abord que la joie seule et des véritables n'est que pour les âmes justes, ensuite en quoi consiste la joie des justes. Les partisans du monde, toutes les personnes qui vivent éloignées de Dieu et uniquement occupées à courir après les plaisirs terrestres, ceux-là, dis-je, peuvent-ils se flatter à bon droit de mener une vie heureuse et paisible? Non, non, l'Esprit Saint nous assure du contraire, Isaïe 48, 22, c'est chose impossible qu'un impie, qu'un ennemi de Dieu jouisse jamais de la paix. Un être quelconque ne peut trouver le repos que lorsqu'il a rencontré le centre qui lui est propre et naturel. Or, le centre de notre cœur c'est Dieu, et s'il ne s'unit à Dieu, jamais il n'aura la paix. Ah qu'il est bien vrai, mon Dieu, disait saint Augustin, que vous nous avez créés pour vous, et que notre cœur ne peut trouver de repos qu'en vous. Il sera dans le trouble et l'agitation aussi longtemps qu'il sera séparé de vous. Saint Augustin, Confession 1. Une âme qui vit dans l'inimitié de Dieu ne saurait être sans remords, c'est-à-dire qu'elle porte partout avec elle ce ver rongeur qui le tourmente constamment, un rien la fait craindre, un rien l'épouvante. Proverbe 28, 1. L'impie n'est poursuivi de personne et néanmoins il tremble, comme un autre qu'un il croit voir un ennemi dans chaque créature qu'il rencontre. Mais sur quoi repose cette frayeur? Ah, elle n'est que trop fondée, ayant outragé le souverain maître de l'univers, c'est avec raison qu'il craint de voir toutes les créatures s'apprêter à venger les injures faites à leur seigneur et à leur roi. Les malheureux, ils cherchent des divertissements, mais par cela même, selon la sage remarque d'un philosophe païen, Aristote, il nous autorise à conclure qu'ils ne peuvent trouver la paix dans leur intérieur, que par suite ils sont contraints de divertir leur esprit, pour l'empêcher de se replier sur lui-même et de considérer son pitoyable état. Mais tous ces moyens leur deviennent inutiles. Même au milieu des passe-temps les plus licencieux, ils sont poursuivis par le remords intérieur qui les dévore et les ronge sans cesse. On voit le rire sur leurs lèvres, mais on n'aperçoit pas les épines qui percent leur cœur. Et puis les divertissements ont une fin. Il faudra, bien de temps à autre, se trouver seul dans une chambre sans autre compagnie que celle de ses cuisants remords. Ô ciel, quelles angoisses, quels troubles, quels tourments, quel enfer anticipé, Sagesse 5, 7, nous nous sommes lassés dans la voie de l'iniquité et de la perdition, nous avons marché dans des chemins difficiles, tel sera l'aveu, aussi vrai que violent, que seront forcés de faire au fond des abîmes toutes ces infortunées victimes, qui auront préféré l'esclavage des passions au service de Dieu. À s'écrieront-elles alors, quel sentier désastreux nous avons suivi? Le vice ne procure donc pas le bonheur même durant le cours éphémère de cette vie mortelle. Les hommes plongés dans le vice et l'impiété ne coulent donc pas leur jour au sein de la tranquillité et de la jouissance, il est donc vrai qu'ils ne traînent qu'une existence pénible et souverainement malheureuse. Les impies sont comme une mer toujours agitée, toujours en fureur, et qui ne peut trouver ni calme, ni repos. Isaïe 57, 20. Au contraire, considérons un instant, s'il nous est possible de le faire, quelle est la joie des âmes justes et fidèles à Dieu. Je dis, s'il nous est possible, car il faut avouer que cette joie est telle que nul ne peut la comprendre si ce n'est celui qui a le bonheur de l'éprouver en lui-même. Apocalypse 2, 17. Si donc, mon frère, vous en faites actuellement la douce expérience, il serait superflu de m'arrêter à vous prouver au long quelle est la joie des justes, vous goûtez, vous savourez ces délices ineffables, et, j'en suis sûr, vous ne voudriez point les échanger contre les plaisirs, les honneurs et les richesses de l'univers entier. Si vous ne les avez pas encore éprouvées, c'est que votre cœur jusqu'à ce jour n'a jamais été exempt de péché et d'affections criminelles. Faites-en donc l'épreuve, et vous y trouverez le contentement et la satisfaction. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Psaume 33, 9. Jésus lui-même invite et appelle à lui tous ceux qui sont courbés sous les chaînes du péché et des mauvaises habitudes. Matthieu 11, 28. Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes accablés sous le poids de vos iniquités, venez et vous trouverez le repos de vos âmes, que vous cherchez vainement ailleurs. Je vous déchargerai du joug pesant de la loi du monde et du démon, et en échange je vous mettrai sur les épaules le joug de ma loi, joug suave, léger et plein de charme. Ibidem 30. La loi de l'Évangile est un joug, on ne peut le nier, mais pour qui est-elle un joug? Si je ne me trompe, c'est pour ceux-là seulement qui se sont laissés entraîner par le torrent des passions qui par suite ont contracté des habitudes vicieuses et perverses, mais elle n'est pas un joug pour les cœurs droits, et qui cherchent Dieu sincèrement. La loi, dit l'apôtre saint Paul, n'a pas été faite pour les justes, mais pour les pécheurs. 1 Timothée 1, 9. Je dirai plus, bien loin qu'elle soit un joug, la loi est une consolation pour les justes, car enfin, qu'est-ce que la loi évangélique demande de nous? Tous ces préceptes sont résumés dans les deux suivants. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Or, je ne saurais trouver rien de pesant ni de difficile dans l'exécution de ces deux grands préceptes, au contraire, tout y est plein de charme et de douceur. L'exercice de cet amour divin est ce qui forme la béatitude des saints dans le ciel, il est donc bien capable de faire aussi notre félicité sur la terre. Je comprends bien qu'elle ne sera jamais aussi complète que dans la céleste patrie, mais au moins sera-t-elle aussi grande qu'il est possible de la rencontrer ici-bas. Un cœur qui aime Dieu a un gage, une assurance de l'amour réciproque de son Dieu, le témoignage d'une bonne conscience est d'ailleurs aussi doux pour le juste, que les reproches d'une conscience mauvaise sont cruels pour le misérable partisan du monde. Que peut-il jamais arriver de fâcheux à celui qui aime Dieu? Qu'est-ce qui serait capable d'altérer la paix dont il jouit? Rien, absolument rien, Proverbe 12, 21. L'événement le plus terrible pour un mondain c'est la mort, qui fut appelée par Aristote, Éthique à Nicomaque, eh bien, la mort n'est pas capable de troubler un cœur où règne l'amour de Dieu, la mort ne l'épouvante point, elle est pour lui un sujet de contentement et de joie, il se réjouit dans les chaînes et en face des horreurs de la mort la plus cruelle. Néron retient dans les fers le grand apôtre, qui a constamment la mort devant les yeux, le tyran au contraire habite un palais magnifique, entouré d'esclaves et d'adulateurs, attentif à l'excès pour satisfaire ses moindres caprices, il peut jouir de tous les plaisirs que le faste romain fut jamais en état d'inventer pour ses dominateurs. Quelle énorme distance par conséquent entre la situation de Paul au lien, et celle de Néron au milieu des pompées du luxe de la grandeur. Et cependant, hélas, ce Néron tremble et prend l'alarme au mouvement d'une feuille, il ne peut trouver un lieu assez secret pour se dérober à lui-même, tandis que Paul tressaille et est inondé de joie au milieu de ses chaînes. 2 Corinthiens 7, 4. Néron n'est donc qu'un malheureux, et Paul est le plus fortuné des hommes. L'âme tranquille est pour le juste un festin continuel, un banquet splendide et délicieux. Proverbe 15, 15. Concluons de tout ceci qu'il est aussi faux que la vie chrétienne soit triste et mélancolique, qu'il est vrai au contraire qu'elle est douce, paisible et pleine de charme. Bien loin que la joie soit l'héritage des impies, elle est le partage exclusif des âmes fidèles à Dieu, et cela non seulement dans le séjour du bonheur et de la gloire éternelle, mais encore durant le court passager de cette vie mortelle. Voyons en quoi consiste la joie des saints et des justes. Quel est l'objet des jouissances intimes qu'ils éprouvent? Ce ne sont point les félicités temporelles et les grandeurs du monde, non, c'est Dieu seul, la source unique de toute grandeur, de toute félicité que la très sainte Vierge a bien exprimé cette vérité dans son magnifique cantique d'action de grâce. Mon esprit, dit-elle, se réjouit et tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Les impies, semblables aux oiseaux de nuit, redoutent la présence du soleil, mais les âmes généreuses, comme l'aigle intrépide, ne peuvent en détourner un instant leur regard. C'est là qu'elles puisent la lumière et la chaleur véritable, et toute leur félicité. Non seulement elles connaissent les amabilités infinies de la divinité, mais de plus elles savent clairement que Dieu est infiniment bon et aimable par rapport à elles. Dieu, disent-elles, est mon salut, ma vie, mon unique fin, ma félicité parfaite. C'est en lui que je mets ma joie, mon bonheur, c'est en lui que mon esprit tressaille, à cause de la douce et vive allégresse qu'il éprouve en le contemplant et en espérant de le posséder parfaitement un jour. Romains 12, 12. Tel est donc l'objet de la joie des saints ici-bas. Dieu, Sa bonté essentielle et sa miséricorde envers nous, qui sommes ses créatures. Aussi, ayons soin de le remarquer, aucune chose créée n'est capable de procurer de la joie aux saints, ils ne sauraient fixer leur regard, et bien moins leur cœur, sur un être quelconque qui n'est pas Dieu, à moins qu'il ne se rapporte à Dieu. Ils peuvent se réjouir, et ils se réjouissent en effet du bien-être de leur prochain, et spécialement du salut des âmes, mais cette joie n'a que Dieu pour objet, ils ne se réjouissent du salut du prochain, que pour autant qu'il est coordonné à la gloire de la divine majesté. Les justes ne sauraient pas non plus se réjouir d'un avantage temporel quelconque, à moins qu'ils ne tendent à la plus grande gloire de Dieu, c'est là le point vers lequel se dirigent tous les mouvements de leur cœur. C'est le centre unique de tous leurs désirs. Mais se réjouiront-ils de leurs bonnes œuvres, de leurs vertus? Oui, si elles tendaient à glorifier Dieu, mais, rigoureusement parlant, ils ne pourraient y arrêter leur regard dans la crainte d'en concevoir une vaine complaisance. Ils n'aiment donc à se réjouir qu'en Dieu seul, qui est la source et le principe de tout ce qu'il y a de bon, tant dans l'ordre physique que dans l'ordre moral. 1 Corinthiens 1:31, c'est en Dieu seul, et non dans autre chose, qu'ils peuvent se glorifier. Mais Dieu seul, sans autre chose, est bien en état de leur fournir matière à un contentement et à une joie infinie, s'ils en étaient capables. Voilà, mon cher frère, quel doit être à nous aussi le sujet de notre joie. Laissons les aveugles mondains chercher leur bonheur dans les biens frivoles et trompeurs de ce monde. Nous possédons, nous, un objet plus digne de notre joie. Aimons Dieu, glorifions Dieu, réjouissons-nous en Dieu, triomphons en Dieu durant les jours de notre exil sur la terre. Apprenons dès maintenant cet art d'aimer qui fera notre félicité pendant une éternité sans fin dans le séjour de la gloire. Amen. Markham Dan Archivorg 2023. D'après Books Google et faire licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.